Kernok le pirate, Eugène Sue, 1830, pour Audiocité, lu par Eric. Chapitre 1er. Le cacou et la sorcière. Les écorcheurs et fileurs de chanvre cacou vivent séparés du reste des hommes. La présence d'un fou dans une maison défend ses habitants contre les maléfices des esprits malins. Conam Eck, chronique bretonne. Par une nuit de novembre sombre et froide, le vent de nord-ouest soufflait avec violence, et les longues lames de l'océan, venant se briser sur les bancs de granit qui couvrent la côte de Paimpoule, les pointes déchirées de ces rocs tantôt disparaissaient sous les vagues, tantôt se découpaient en noir sur une écume éblouissante. Placée entre deux rochers qui la protégeaient contre les efforts de l'ouragan, s'élevait une cabane de misérable apparence. Mais ce qui rendait vraiment son abord horrible et infect, c'était une multitude d'os, de cadavres, de chevaux et de chiens, de peaux ensanglantées et d'autres débris qui annonçaient assez que le propriétaire de cette masure était cacou ou écorcheur. La porte s'ouvrit, puis parut une femme couverte d'une mante noire qui l'entourait entièrement, et ne laissait voir que sa figure jaune et ridée, presque cachée par des mèches de cheveux gris. Tenant une lampe de fer d'une main, de l'autre elle tâchait d'en abriter la flamme qui tournoyait, agitée par le vent. « Penouette, Penouette !» cria-t-elle avec un accent de colère et de reproche. « Où es-tu, maudite enfant ? Par Saint-Paul ! Ne sais-tu pas que voici l'heure où les chanteuses des nuits vont errer sur la grève ?» On n'entendit que le sifflement de la tempête qui redoublait de fureur. « Penouette ! » cria-t-elle encore. Penouette, enfin, prêta l'oreille. L'idiot était accroupi auprès d'un monceau d'ossements auquel il donnait les formes les plus variées et les plus bizarres. Il tourna la tête, se leva d'un air mécontent comme un enfant qui abandonne ses jeux à regret, et regagna la cabane, non sans emporter une belle tête de cheval aux os blancs et polis, à laquelle il tenait beaucoup, surtout depuis qu'il y avait introduit des cailloux qui résonnaient de la plus agréable manière, quand Penouette secouait cet instrument de nouvelle espèce. « Rentre donc, maudit !» s'écria sa mère en le poussant avec tant de violence que sa tête heurta contre le mur. Le sang jaillit. Alors l'idiot se prit à rire aux éclats, d'un rire stupide et convulsif, essuya sa blessure avec ses longs cheveux noirs et fut se blottir sous le manteau d'une vaste cheminée. « Yvonne, Yvonne, songe à ton âme, au lieu de répandre le sang de ton fils !» dit le cacou qui était à genoux et paraissait absorbé dans une profonde méditation. « N'entends-tu pas ? J'entends le bruit des vagues qui frappent ce rocher et le sifflement de la tempête. Dis plutôt la voix des trépassés. Par Saint-Jean du Doigt, c'est aujourd'hui le jour des morts, femmes, et les naufragés que nous avons pourraient bien venir traîner à notre porte le cariquet en cou, avec ses draps blancs et ses larmes rouges, répondit le cacou d'une voix basse et tremblante. Bah, que pouvons-nous craindre ? Penouette est idiot. Ne sais-tu pas que les mauvais esprits n'approche jamais du toit qui abrite un fou. Yann et son feu, qui tourne avec autant de rapidité que le dévidoir d'une vieille femme, Yann et son feu s'enfuiraient à la voix de Penouette, comme une mouette devant le chasseur. Ainsi que crains-tu ? Alors pourquoi, depuis le dernier naufrage, tu sais, ce lougre qui échoua sur la côte, attiré par nos signaux trompeurs ? Pourquoi ai-je une fièvre ardente, des rêves affreux? En vain j'ai bu trois fois, à l'heure de minuit, de l'eau de la fontaine du Crinoc. En vain je me suis frotté de la graisse d'un goéland tué un vendredi. Rien, rien n'a pu me calmer. La nuit, j'ai peur. Ah, femme, femme, tu l'as voulu. Toujours craintif, ne fallait-il pas vivre? Ton état ne te rend-il pas l'horreur de tous, Saint-Paul? Et sans mes prédictions, où en serions-nous réduits? L'entrée de l'église nous est défendue. C'est à peine si les boulangers veulent nous vendre du pain. Penouette ne va pas une fois à la ville qu'ils ne reviennent meurtris de coups, le pauvre idiot. Tiens, s'ils osaient, ils nous donneraient la chasse confine à une bande de loups des montagnes d'Arrée. Et parce qu'en ramassant le goémon sur les rochers, nous profitons de ce que Tost nous envoie, tu t'agenouilles comme un sacristain de Plougastnou. Tu es aussi pâle qu'une fille qui, sortant de la veillée, rencontre le Tossard Pouliec avec ses trois têtes et son œil flamboyant. Femme, plus craintif qu'un homme de Cornouailles, dit enfin Yvonne exaspérée. Or, comme le plus sanglant outrage que l'on puisse faire à un Léonais, et de le comparer à un habitant de Cornouailles, le cacou prit sa femme à la gorge. Oui, reprit-elle d'une voix rauque et strangulée, plus lâche qu'un enfant de la plaine. La rage du cacou ne connut plus de bornes. Il saisit une hache, mais Yvonne s'arma d'un couteau. L'idiot riait aux éclats, en agitant sa tête de cheval, remplie de cailloux qui rendaient un bruit sourd et bizarre. Heureusement, on frappa la porte de la cabane, car un malheur fut arrivé. « Ouvrez, sacrebleu, ouvrez donc !» Le nord-ouest souffle d'une force à décorner des bœufs, dit une voix rude. Le cacou laissa tomber sa hache. Yvonne rajusta sa coiffe en jetant sur son mari un regard encore étincelant de colère. « Qui peut venir à cette heure nous déranger ?» dit celui-ci. Puis il se hissa jusqu'à une fenêtre étroite et regarda.